La matinale de 18h, l'émission décalée des Fadjet. Bonjour matinalien, matinalien de la matinale de 18h. Oh, que des hommes autour de moi. Parce que, pourquoi? Parce que Caro va sûrement nous rejoindre, ou pas, on verra. Normalement. C'est normalement, elle doit nous rejoindre. Ça va, Jocelyn? Ça va, et toi, Tristan? Bah écoute, ça va. Il y a du soleil, en plus, oui. Aujourd'hui. Il y a eu du soleil, puisqu'il est 18h, oui, bien évidemment. C'est vrai. Et ça, c'est formidable, parce que j'ai mis mon linge dehors, et il a des chances de sécher. Bah, et il doit être là. Sécher. Il doit être déjà sec. Ouais, bah oui, il est 18h. Donc, il est sec. James, ça va? Ça va, merci. Et toi, comment tu vas? Oh bah écoute, formidable. C'est quoi ton actualité ce matin? Ce matin, t'as poussé de la fonte. Ouais, ce matin, je vais au sport. Bah, en ce moment, je suis dans une période sport, hein, donc j'y vais, quoi. J'enchaîne. Ouais, c'est vrai les performances sportives. C'est quoi un peu les perfs de la matinée, là? Là, j'ai fait les épaules, principalement des épaules, ce qu'on appelle l'overhead press. C'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle en français le développé militaire. En fait, développé militaire. Voilà, vous prenez une barre, vous mettez des poids de chaque côté, pas trop non plus, et puis vous la soulevez au-dessus de votre tête en partant de votre poitrine à peu près. Voilà, donc c'est pas évident. Voilà. Très très bien. Et toi, Jocelyn, une actualité pour cette semaine peut-être au Royal, j'allais dire. Non, au Cristal. Actualité du Cristal. Non, je crois que c'est une semaine à peu près tranquille. D'accord. Pas mal d'événements. Si on a du DJ, on a un DJ demain. Mais rien d'affolant. Voilà, un petit peu d'ambiance pour passer un bon moment. C'est un peu la période où on a fait la rentrée. On a pas mal bourlingué la rentrée, j'ai l'impression. Voilà. Et là, on commence un petit peu à avoir les premiers essoufflements de l'année, j'ai l'impression. Non, en plus, on prévoit la suite, puisqu'on a quand même pas mal de grosses choses qui arrivent après. Donc, du coup, on essaie de prévoir. On va avoir des soirées du jazz qui reprend, on va voir Halloween, la Dia de los Muertos. Non, mais c'est ce que je dis, hein. Y a pas de mal, je le dis pour nos auditeurs qui sont peut-être en train de rentrer du travail un jeudi de mi-octobre comme ça. Il n'y a pas de mal à vouloir souffler de temps en temps aussi. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être tout le temps le pied sur l'accélérateur. Non, pas tout le temps, c'est vrai. Il faut aussi savoir lever le pied. Ouais, si, je suis un petit peu deg hein, quand même, parce que ce matin, j'ai eu un coup de fil de Groland pour jouer. Alors, pas pour Groland. Tu veux qu'on refasse la scène ou pas? Canal Plus. Et, en fait, je ne peux pas être disponible le jour-là. Okay. Parce que je joue à Rambervillers, d'ailleurs j'en parle, parce que je joue le 18 octobre à 15h mon spectacle à Rambervillers. À 15h? Mais ouais, à 15h. Les gens rient à 15h? Non. Mais non, à Rambervillers. Non. Mais oui, alors oui, il y a une sorte, comment on appelle ça, un microclimat. Microcosme, ouais. Ouais, microclimat autour de Rambervillers où ça rit de 15h à 16h. Donc je me suis engouffré dans ce créneau-là. Et t'as bien fait. En me disant, si je dépasse, il rit pas à la fin. Le bide à la fin. Ça rit d'un coup, la meilleure vanne pour la fin, le bouquet final, et là. Et si tu étais ballot. Et là, ce serait dommage. Ouais, d'ailleurs, bah tiens, on va commencer par les annonces. Normalement, on finit par les annonces, mais on va commencer par les annonces parce que. On va finir par quoi? Tu as dû aller de l'actualité, James, tu peux en parler, absolument, ton actualité. Absolument, ouais, en tant qu'improvisateur théâtral. De talent? De talent, et voilà, nous jouons demain avec une de mes troupes qui s'appelle le Split Impro. Une de mes troupes. Ouais, une de mes troupes, ça fait un peu, oui, c'est vrai. Il a un personnage un peu arrogant, je trouve, aujourd'hui. Ouais, là, c'était fait exprès, là, c'est vrai que là, il faut que je descende un peu l'arrogance, effectivement. Donc, je vais le faire un peu plus... Ouais, il faudrait que tu déroguances un peu. Ouais, dérogue un peu. Un peu plus d'humilité, un peu plus d'humilité. Alors, bah écoutez, avec ma petite troupe, voilà, petite troupe... Troupette. Mais bien sympathique, qui s'appelle le Split Impro. Et puis on joue demain dans la MJC Lillebonne, qui est une merveilleuse MJC avec laquelle je n'ai rien à voir, c'est pour ça qu'elle est aussi bien. Et on joue un spectacle d'impro à 20h30 qui s'appelle... Les Oscars. Les Oscars de l'impro. Donc, ouais, en fait, j'ai même vu dans le magazine Spectacle. Waouh. C'est une cérémonie où en fait on va faire comme une cérémonie d'Oscars, mais seulement bah, il y aura des petites scènes d'impro entre, donc c'est un espèce de cabaret d'impro où on s'amuse bien et on aura peut-être des belles tenues, des beaux Oscars, une belle présentation, de l'émotion. Wow. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, c'est à 20h30 à l'MJC Lillebonne. Le prix des places, je dirais que c'est en dessous de 7 euros. Ouais, voilà. Il ne faut pas vous en dire plus, malheureusement, étant pas... Vous allez sur le site de la MJC et vous réservez sur le site de la MJC. Exactement. Simplement. Ou alors vous vous présentez sur place. A priori, on a de la place pour tout le monde. Et ben voilà. Voilà, vous venez nous voir. Ok. Moi, c'est ce soir. Si des fois vous êtes à Saint-Dié, À quelle heure? Ben, je joue à 20h30 à Saint-Dié dans le festival Rire en Vosges. Mais il s'agirait de partir, là, parce que si c'est à Saint-Dié, je gère. On a combien de heures de route? Gère. Je gère, tu reprendras les rênes pendant l'émission. Mais ouais, non, il y a une bonne heure de route. Ah, mais oui, si bah, des fois vous êtes tarder. En partance, voilà, ce soir, il y a un tremplin d'impro. Non, pas d'impro, il y a un tremplin avec quatre humoristes, dont moi. Et d'ailleurs, je pourrais être le père des quatre autres humoristes parce que ça va de 15 ans à 20 ans, les trois autres, suivi d'un spectacle d'impro d'ailleurs, dans lequel je ne fais pas partie. Et puis demain, samedi soir, je joue un impro duo, c'est une pièce de théâtre totalement improvisée, à la MFC, à la Maison des Fêtes et de la Culture, à Blainville-sur-Lot. Donc n'hésitez pas, les réservations démarrent pas mal là, donc je suis content. Et vous pouvez retrouver, vous tapez impro duo, ou alors vous allez sur la mairie de Blainville-sur-Lot. Et puis bah, je termine avec deux autres dates. Samedi 17, on joue les Tentants à Azraï, et le lendemain, je joue mon spectacle, le fameux, à 15h, à Rambervillers, pendant le microclimat. De 15h à 16h, bien évidemment. Le moment où... Oh. Mais t'as une quantité de textes que tu dois apprendre, toi. C'est, Une fois que c'est appris, ça va. Ok. Mais en fait, c'est une machine qui se met en place. Tu sais, quand t'apprends pas mal pour des castings, ton cerveau s'habitue à apprendre vite les textes. D'accord. Et c'est plus non, ton un souci cerveau s'habitue. Après. Oui, mais parce que... Mais attends, quand j'ai commencé l'impro, je me suis dit, mais je ferai jamais que de l'impro parce que je peux jamais apprendre un texte. Et puis en fait, tu te rends compte que tu peux apprendre plein de textes et qui te restent en plus après. J'ai un trauma par les poésies, les fables et tout de quand on était au collège. Mais après, est-ce que tu ne connais pas plein de chansons par cœur? Si. Très peu, cela. Ah ouais? Ouais, je suis pas très futé, moi. Pas... Dans c'est la, pas dans une question de futage. Non, mais dans l'apprentissage de... Je me lève. Voilà. Et je te bouscule. Mais ça, je les connais parce que je t'entends chanter ça. Et à chaque fois, ça me crispe, tu vois. Non, une si, je t'offre. Voilà. Ouais, ça, c'est aussi... parce que je suis à la radio avec toi. Tu vois, ce que ça montre, c'est qu'en fait, dès que tu mets une émotion dans le texte, tu l'apprends plus facilement. Eh oui, c'est ça. Mais moi, les émotions sont très courtes. Vraiment, d'accord. C'est je me lève et je te bouscule. Fin de l'émotion. On passe à une autre émotion. Eh ben, on passe à une autre émotion. Oh, quoi? La matinale des 18h. L'émission décalée des Fadjets. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Quelle transition hein, quand même. On c'était passe bien, d'une émotion à une autre, d'une chronique à une autre. C'est l'éphéméride. Et qu'est-ce qui s'est-tu passé je sais déjà plus la date. 9. Un 9 octobre. Mais il s'est passé énormément belles choses. Comme vous pouvez l'imaginer, un 9 octobre, il se passe forcément plein de belles choses. Bah mais ouais. Comme vous avez commencé par la fin aujourd'hui, je vais commencer par mon dicton. Et je il y en aura quand même un à la fin. Quelle parce journée. Que faut pas trop spoiler non plus. Un sandwich de dicton. C'est ce que je veux faire. Le dicton du jour, le 9 octobre, c'est « En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt. Wow. » Ah oui. Ça me fait plaisir. C'est aussi le petit dicton du mois d'octobre. Finalement, c'est pas que le 9, mais ça s'étend un peu sur tout le mois d'octobre. Mais on va commencer maintenant ma vraie éphéméride. Qu'est-ce qui s'est passé un jeudi 9 octobre en 1928? Est-ce que vous étiez là? Vous étiez presque là. Alors, c'est tout simplement la crise. De 29 mai en 28. Ah oui, d'accord. Non, ok, d'accord, c'est en 28. Est-ce que vous savez qui est Marcel Pagnol? Ouais, bah oui, quand même. Ah, oui. Bah, ouais, oui, célèbre footballeur. Exactement, un très très bon footballeur numéro qui portait 9. Excessivement bien le maillot le 9 octobre. Au Théâtre des Variétés, il présente pour la première fois en public une pièce de Marcel Pagnol. Est-ce que vous en connaissez une? C'est un nom de couleur. Un nom de couleur. Un nom de couleur. Tu peux mettre un petit bed en fond. Oui, bien sûr. Oui, excusez-moi. Ouais, il est pas. César, Marius et Fanny. Non, mais ça, c'est pas des couleurs. Aucune fois. Le César. Rose. Non, c'est topaze de Marcel Pagnol. Oh, mais oui, je le savais que vous le saviez. Attends, c'est une couleur, topaze? Je savais pas. Oui. Ok, parce que j'ai vu le film. C'est taupe la couleur, non? Taupe est une couleur. Ou c'est az. Ok. Mais... c'est. Ouais. Topaz, voilà. Mais pas topaz. Ça tend vers le taupe, c'est topaz, quoi. Topaz, je crois que c'est entre le bleu, le. Ah, mais oui, c'est une. Mais oui, t'as raison, c'est une. Le pierre surpierre, la topaz. Ouais, c'est ça. Hein. Donc ça doit être une couleur par extension. Oui, par extension. La basilique Saint-Denis est promue cathédrale lors de la création du diocèse de Saint-Denis, mais ça vous le saviez. Juste un topaz, c'est un cristal utilisé en joaillerie classé comme pierre fine. Voilà. Ok. D'accord. Vas-y. En 1890, c'est... Attention, 1890. C'est un 9 octobre 1890, il y a Clément Ader qui, via un objet, fait quelque chose de nouveau. Il établit, voilà, c'est à partir d'aujourd'hui, Clément Ader, il a instauré quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la colle, la colle Ader. Non. Non. Okay. Pourtant, ça adhère. Oui, bah voilà. C'est bien celle-là. Merci, merci. Non, il c'est s'élève cadeau. À quelques instants au-dessus du sol avec le premier avion de Clément Ader qui s'appelle Éole. Voilà. Mmh. Qui, attention, en 1947 est né un 9 c'est tout octobre. Un 9 octobre. En quelle année, 1947 ouais. Son prénom, Isabelle. Adjani. Non. Père. Non. Elle est décédée. Hein. Elle est décédée en 2018. Oh, ah ouais. 2018. Elle ne porte c'est pas. C'est une actrice. Elle ne porte. C'est une chanteuse. Elle ne porte pas son prénom. Ah, mais voilà, Isabelle Morizet, alias. Non. Non, pas du tout. Il y a Isabelle quand même. Non, il y a que le nom de famille dont je me suis gardé pour moi. Et elle est morte en 2018. Elle est morte en 2018. Et toi, tu l'as connue? Elle est chanteuse. Française, oui, née monsieur. En 1947. Ouais, mais toi, tu l'as connue, toi? Je l'ai connue, mais alors pas personnellement. Si je peux me permettre. Est-ce que tu connais genre une de ses chansons? Je connais une de ses chansons. Genre parce qu'elle est méga connue? Parce qu'elle est over méga connue. Elle est tellement connue que le nom de son prénom d'artiste, c'est un pays. Son prénom d'artiste. D'accord, c'est un pays. Topaz. C'est un pays. Et c'est encore mieux puisque. Je vous ai demandé il y a 10 minutes de mettre une musique de cette même personne. Ah, France d'accord. Bon, bah, voilà, waouh. Wow. Ok, d'accord, oui. Bah ouais, mais à un moment, je me suis dit quand même, les gars, je viens de vous en parler. Ok, d'accord. D'où, elle est morte en 2018. Waouh. Non, c'est pas ça. Et elle est morte en 2018. Le ça bête. Fait déjà 7 ans, là. Et oui. D'accord, okay. On pense à toutes les Frances hein, qui nous écoutent. Et toutes les Galles. Et toutes les Galles. Attends, c'est quoi son vrai prénom? Isabelle Gall. Isabelle Gall, d'accord. Isabelle Gall. Pourquoi avoir changé? Bah, je comprends pas non plus du coup. Bah, c'est okay. Plus mainstream. Oh, comment tu t'appelles, France? Oh, comme le pays, super, j'écoute. D'autant plus qu'à l'époque de son époque, on changeait plutôt les noms de famille. C'est vrai que Alain Chamfort, il s'appelle pas Chamfort. Gainsbourg, Gall, il s'appelle Gall, pas Gainsbourg. Ça se changerait bien. J'avoue que le mot Gall comparé à Isabelle. Ouais, enfin, mais non, mais c'est pas les prénoms qu'on change, quoi, tu vois. Si, des fois ça arrive. Hein. J'ai pas d'exemple. Ça arrive, en tête, Patrick mais... Bruel, par exemple. Bah non, c'est quoi, c'est Patrick? Patrick. Bah, c'est pas son vrai prénom. Ah non, c'est Maurice. C'est Maurice. Ah oui. Okay. Maurice Bruel. Ben Guigui. Ah ouais. Il a changé le nom et le prénom. Oui, bah c'est un pseudo du coup. Voilà. Mais attends, oui, mais son pseudo, il a un nom et un prénom quand même. Après, il y a aussi Jean-Philippe Smet. Ouais. Ah, et j'ai appris récemment en regardant l'émission Légende sur YouTube que Pierre Richard, vous connaissez Pierre Richard? Oui, le grand blond avec une chaussure noire. Pierina, Pierre Richard, Pierlina. C'est son prénom. Pierre Richard, c'est son prénom? Voilà. Et son nom de famille, c'est. Je ne sais plus, mais son prénom, c'est Pierre Richard. Ah, j'ai un exemple de personnalité qui a changé uniquement attention. Le prénom. Il est mort en 2018. Les présentatrices du JT. Sur France Télévisions. Marie Lapix? Non. Sophie Lapix? Elle est toute récente, une toute nouvelle recrue. Oui. Oui. Salamé. Elle s'appelle en vrai Ala Salamé. Ala Salamé. Ala Salamé. Ala, le prénom. Ah ouais, je savais pas ça. L-A. Ok. D'accord. Je ne connaissais pas le prénom. Ok, trop cool. Est-ce que vous. Sur ce. Il y a des gens qui sont morts quand même un 9 octobre. Et, oui. Et après, je clôture hein, mon effet. Faut pas attendre le lendemain. Et bah, ils auraient pu, mais aujourd'hui, ils sont morts. Est-ce que vous savez qui. Est-ce que vous connaissez des médiums français déjà? Nostradamus. Pierre Mesmer. Non, ni l'un médium. Ni l'autre. Mais non, médium non, français. Okay, qui, en 1886, ultra connu, hein, ultra connu le médium français, qui a un prénom à la place du nom. Et qui a deux. En fait, son nom et son prénom, ce sont deux prénoms. Ah, d'accord. Michel? Non, mais ce n'est pas deux fois le même. Jean-Jean. Ah, d'accord. Ah, Jean-Michel. Non, mais c'est presque ça. Mais on connaît. Attends, toi aussi, tu le connais, ce médium français médium qui est décédé en 1000. Qui est né en 1826 et qui est décédé en 1886. Il n'y avait pas Corabanne aussi, quand même. Alexis Didier. Oui, Alexis Didier, tout le monde connaît Alexis Didier. Quoi? Attends, vous connaissez. Attendez, je pense qu'il faut faire un accueil. Moi, je connais Didier. T'as une musique pour un accueil triomphal? Oui, bien sûr. Attendez, messieurs, dames. Elle arrive. On l'attendait plus. que pourtant, elle. La voilà. Et elle va prendre quelle couleur? Le jaune. Je lui mets le crayon jaune. Oui, merci c'est beaucoup. Parti. Ça va, Caro? Ça va. Vous avez donc annoncé à tous les gens qui nous écoutent, là, nombreux. C'est ça. Que j'étais un peu en retard. Voilà. Mais coup, rien d'affolant. On va rallonger l'émission de 20 minutes. J'ai rajouté des morts. Très bien. Oui, t'arrives pour les morts. Oui, est-ce que... Voilà. Est-ce que tu connais ça, toi? On n'est pas loin de la Toussaint, donc ça ne me choque pas attends, tant c'est, que ça. C'est un quoi? C'est un médium français, né en 1826, mort non, mais, voilà, quelques années plus tard. En 1886, c'est Alexis Didier. Tu connais, toi, un Alexis Didier? Non, je connais d'autres médiums, mais Alexis ouais, Didier. Tu connaissais qui, par exemple? J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont un nom de famille qui est un prénom. Ah oui. Et bah tiens, tu vois, arrive, mais c'est exactement... Mais c'était pas un tueur en série, hein. Exactement ce qu'on disait, il faut le nom-prénom, c'est une c'est formidable. Est-ce que tu connaissais le prénom de France Gall? Parce qu'elle ne s'appelle pas France. On va pas tout les refaire parce que les auditeurs vont dire merde, on va passer 20 minutes. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Isabelle, j'écouterai en replay cette magnifique émission. Et tu aurais raison de le faire. Non, après des gens qui sont morts, mais on les connaît pas. Tu vois, donc j'avais que Alexis Didier de connu. Sinon, j'ai Jean-Jacques Ulrich. Ferdinand von Müller, le botaniste allemand, voilà. Donc, j'allais écorcher son prénom. Hein. Mm-hmm. Et je finis par mon petit dicton du 9 octobre, c'est vrai. Mais avant le dicton, on remercie les Denis, hein, parce que c'est la Saint-Denis aujourd'hui. Et maintenant le dicton, entre Saint-Denis et Saint-François, prends ta vendange telle qu'elle est. Ok, ça c'est fort. C'est un petit peu la matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Pas de réaction tout de suite, mais aucune réaction. Ok, parce que je trouvais que le dicton était un petit peu agressif quand même. C'est pour ça que j'ai voulu changer. Je trouvais que c'était trop agressif, oui, que la direction de Fadjet. C'est un ordre en fait. Là, c'est ça. Un ordre. Ouais. J'en ai des moins bien. Sinon, tu vois, s'il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort 9 fois de son lit. Voilà. Oui, mais ça c'est plus. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Alors James et moi, on se fait systématiquement couper par un jingle. Ouais, il y a deux doigts de clash chiant. Sur la liberté d'expression là. Attention. Exactement. Ah ouais, même un doigt. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. L'invité show business de 18h. Parce qu'il y a quand même, on travaille un petit peu quand même, la chronique de James sur les... Les moyens mnémotechniques. Les mnémotechniques, oh, effectivement. Eh ouais, je suis contente d'être venue, vraiment. C'est voilà. Ça que je suis venue, James. On va apprendre des choses, on va faire un petit quiz. Alors, on va démarrer très très facilement. Donc, un moyen mnémotechnique, c'est une petite phrase qu'on utilise pour se rappeler de quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Donc, c'est vrai que plus que personne n'est à l'école parmi nous, on a un peu oublié nos moyens mnémotechniques. Mais vous en avez encore qui vous marquent des moyens mnémotechniques? Oui, donc Ornica. Ouais, bah c'était le premier exemple. Ouais, excellent. Bah, super, j'ai un moyen mnémotechnique. C'est dur à dire hein, ce mot-là, au passage. Sur, tu sais, le nombre de bosses, chameau et dromadaire. Ah ouais? Vous voulez que je vous le partage? Oui. Ah ouais, j'ai bien. Ah si, j'en ai un moi aussi. Chameau, deux syllabes, deux bosses. Ouais. Dromadaire, trois syllabes. Ça une n'existe boss. Pas un animal à trois bosses. Donc, ouais. Par déduction, c'est une bosse. C'est super mnémotechnique. Voilà. Et moi, c'est plus local. C'est comment trouver Chaligny par rapport à Chavigny. Ah oui. Parce que c'est à côté de 9 maisons. Tout le monde se pose cette question. Voilà. Et en fait, Chavigny, il y a un grand virage pour y aller. Quand on descend depuis Brabois, il y a un grand virage comme Chavigny. Ah, le V de voilà. Chavigny, c'est comme vraiment le V de virage. J'ai limite envie que tu écrives un bouquin là-dessus. Franchement, les petits moyens techniques lorrains comme ça. On me l'a donné hein, en plus. Ah, okay, c'est quelque chose ça qui se partage. Ah oui, ah non, mais oui. Si non, mais tu confonds encore Chavigny, Chanini. Non, mais descends de Brabois, tu tombes sur quoi? Un virage. Mais ça, oui, c'est une technique très utilisée. Hein. C'est comme les stalactites. Oui, ah, oui. Les stalagmites qui montent. Là, on est en train d'enlever toute la chronique. Non, justement, ça me fait plaisir parce qu'il n'y en a aucun que j'ai pour l'instant écrit, à part mais où est donc Ornicar, mais ça, c'était pour illustré. Oui. Okay. Je vais vous en donner quelques-uns, puis c'est à vous de trouver. Ouais. Je vais vous donner le moyen mnémotechnique et vous devez trouver à quoi ça correspond. C'est pas facile du tout, je le conviens, mais bon. Alors là, je vais vous en donner deux qui servent à la même chose. Les deux phrases sont les suivantes. « Me voici toute magnifique, je suis une nébuleuse. » Et la même phrase, enfin une autre phrase qui nous permet de se rappeler la même chose. « Mercredi, viendras-tu manger, Jean, sur une nappe ?» Alors, ça commence par MV, les deux. Ouais. « Me voici et mercredi, viendras-tu ?» Ça commence par MV. Tu vas poursuivre ton analyse, je refais les phrases. « Me voici toute magnifique, je suis une nébuleuse. »« Mercredi, viendras-tu manger, Jean, sur une nappe ?» Donc il y a encore le N à la fin aussi. Hein. Oui, il y a encore. Je suis une nébuleuse. J'ai retenu tous les mots. Je vais vous aider tout de suite. Il y a les mêmes lettres de début de chaque mot. Donc, je sais, c'est les planètes. C'est les planètes. Superbe réponse. Avec un V. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, c'est les planètes dans l'ordre. Oh, voilà. C'est vrai qu'on ne dit plus Pluton. Eh oui, on ne dit plus, ça ne dit plus. Il y en avait d'autres avec Pluton, mais elles ont. On ne peut plus rien dire, de toute façon. Hop. Ouais. J'ai deux doigts de mettre le jingle, là, tu vois. Celle-ci, elle est un peu niche, je ne le cache pas, mais niche. Comme moi, je l'ai appris, c'est-à-dire qu'elle est. Bref, vous allez comprendre. Okay. Pas la plus utilisée, quoi. Voilà, c'est clair. Mais moi, je l'ai apprise, moi, donc je me permets. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans sel aromatisé, ou sans claquer d'argent, on peut dire les deux. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Il y a une autre phrase pour quelque chose de similaire, mais qui n'est pas exactement pareil, c'est « Et Litus et Bérénice boivent chaque nuit aux frais de Néron. » Bon, là, c'est encore une histoire de voyelles, de lettres. Ouais, là, c'est encore une histoire de lettres. Histoire de lettres, tu Napoléon, peux répéter ? Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. NMA ? Non, je ne pense pas que vous l'aurez, donc je vais vous le dire. Pub, est-ce que c'est une pub cachée, peut-être ? Non. C'est très niche. C'est en fait, vous voyez la table périodique des éléments ? Oui. Oh, Les lignes de Mendeleïev, c'est la ligne, les lignes des éléments. Donc là, Napoléon, c'est le sodium, c'est, ouais. Magnésium, aluminium, silicium, Manja, phosphore, Emma. Soufre, chlore et argon. Na, Mg, Al. Voilà, j'avais appris ça à l'époque et je. Il y a pas le tableau complet, on est d'accord. Hein, non, il y avait une ligne. Ça, c'est une ligne et celle de Elitus et Bérénice, etc. Oh, c'est une autre ligne. On peut se permettre de lancer un défi si quelqu'un qui nous écoute a envie de faire ça. Avec plusieurs phrases, existe déjà. Sur tout le tableau. Ça existe déjà, hein, je te rassure. Okay. Ouais, si quelqu'un peut venir nous raconter les phrases, nous dire les phrases, ce serait cool. Bah, ça ne vaut pas le V de Chavigny, je trouve. C'est vrai qu'il y a quand même une vraie séparation. Alors, j'en ai un autre. Celui-ci, je l'ai trouvé étonnant. Mais non. On n'est plus sur de la science, rassurez-vous. Voilà, je vous dis la phrase. C'est du foot. C'est très difficile, vous ne le trouverez pas, mais c'est intéressant quand même. Mostafa, j'attends la copie. Mostafa. Et non pas Mustafa. Oui, parce que c'est bien Mostafa. Si c'était absolument. Mustafa, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, non. D'accord, c'est Mostafa, j'attends la copie. Oui. C'est une phrase sans alors, U. Est-ce que Mostafa a ramené la copie à la fin ? Non. C'est intéressant, ça. Non. Ça peut nous aider, hein, je pense. Hein. Ah, c'est Mostafa. Donc là, on est sur un truc qui est à cheval entre l'histoire et la géographie, en fait. Ah, Mostafa. D'accord. Il n'y a aucune chance que vous le trouvez. Il y a trouvez, des océans là-dedans. Ouais, des montagnes, il y a des pays. Non, c'est des constructions humaines. Des constructions. Ah, les mosquées. Oh, je sens que les sept merveilles du monde. Exactement. C'est vrai. C'est pour se rappeler les sept merveilles du monde antique. Mausolée d'Halicarnasse. Statue de Zeus à Athènes. Oui. D'Alexandrie, jardin de Babylone. Attends, suspendu de Babylone d'ailleurs. Oui, exact. Jardin de Babylone. Alors, c'est le temple de Maya d'Artémis. D'Artémis. Co. Isée de Rome. C'est la colonie de Raon l'étape. Le colosse de Rhodes. Le colosse de Rhodes. Très simple, dernier, les pies. Pyramides. Les pyramides d'Égypte. Du Louvre. Effectivement. Alors, peut-être un autre plus mainstream. Ouais, plus niche. Plus mainstream. Un truc utile. Je vais vous le donner direct. C'est pour se remémorer les sept péchés capitaux. On est vraiment si bête que ça. Je vais vous le donner direct. Parce que je sens que vous ne vous avez pas réussi. Là, c'est vraiment. J'ai fait une chronique, mais vous êtes trop débile. Alors, j'ai fait un texte. Si vous voulez vous rappeler des sept péchés capitaux, ouais. Oui. Ben, je vous conseille de vous rappeler ce groupe nominal. Ce galop, C-E-G-A-L-O-P, ce galop, colère, envie, gourmandise, avarice, luxure, orgueil, paresse, ce galop. Okay. Ah oui, voilà. D'accord. Okay. Plus jamais vous ne vous rappellerez pas des sept péchés capitaux. Il y a un pas de trop dans ta phrase. Exactement. C'est galop, à mon avis. Il y a vrai que quand on boit un cocktail au bar Le Cristal, par exemple, et qu'on se dit, tiens, de quoi on pourrait parler ? Ah bah, du sept péchés capitaux. Mais tu connais ce galop. Ce galop, hein. Paf. Alors, si vous vouliez un truc encore plus niche, est-ce que vous êtes déjà dit, tralala, j'aimerais bien me rappeler de tous les présidents russes depuis l'URSS ? C'est cette phrase, le truc mémotechnique ? Non, non. Ça, c'est le besoin. J'exprime le besoin. Eltsine Poutine. Depuis l'URSS. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question depuis le début de l'URSS jusqu'à aujourd'hui. Ok, d'accord. Ouais, allez, eh bien, écoutez, moi, je vous ai concocté une phrase pour ça. Oui, c'est un besoin qui peut exister. Voilà. Laissant son kimono bleu à trois gamins, elle put maintenir Poutine. Alors, Lénine. Ouais. Staline. Laissant, ouais. Redis. Après... Laissant son kimono bleu. Donc là, le cas, c'est le cas de... C'est Khrouchtchev. Khrouchtchev, ouais. Nikita Khrouchtchev. Bleu. Brejnev. Ouais. Ah. Pas facile. C'est... Ah, si. Armageddon. Non, c'est... Ah, comment il s'appelle celui-là? Andropov. Ah, Yuri Andropov. Ah, ouais, T pour Tchernenko, celui-là, je ne le connaissais oui, pas. Il n'a pas duré longtemps. G pour Gorbatchev. Oui. Oui. Et il y a la virgule qui signifie après, que y a Yeltsin, nous passons à la Russie Yeltsin. Avec Eltsine, Poutine, Medvedev, Poutine. Ah oui, c'est vrai qu'il y a voilà. eu Medvedev, oui. bien sûr. Allez, comme il n'y a pas que des trucs d'histoire, de géo, de science, etc., il y a aussi voilà, un petit truc, pour ça me fait penser à ton truc de virage, Tristan. On ne se souvient jamais si on doit mettre la fourchette ou le couteau à gauche ou à droite de l'assiette quand on dresse une table. Si, moi je m'en souviens, c'est, ah oui. à, c'est à droite, ouais, c'est à droite, voilà, mais... couteau. Couteau à droite, effectivement. Ouais. Alors le moyen mnémotechnique, c'est de faire l'alphabet A, B, C, D, C, D, couteau droite, E, F, G, H, fourchette gauche. Le truc qui va te prendre des plombs. Ça, c'est intéressant parce que moi personnellement, je peux partager un truc. Je me suis toujours dit le couteau c'est à droite parce que la droite c'est les gens méchants. Je vous laisse partager, enfin imaginer l'ambiance politique dans ma famille, mais... Du coup, je retiens à cause de ça, quoi. Voilà. Bah, écoute, après, j'en ai d'autres. Dire est beaucoup plus apolitique, c'est intéressant, merci. Oui, j'en ai d'autres. Les présidents de la Troisième République, je pense pas que ça. Oui, voilà. Non, ça va pas nous intéresser plus. Les dieux que ça. Romains, non, je pense. Ah, si, c'est bien ça, les dieux romains. Ah bah vas-y. Allez-y. Sinon, ah, j'ai les sept nains. Allez-y. Sinon, j'ai les sept nains. Ah, les sept nains. Les sept nains, j'aime bien. Ah voilà. Ouais. Donc, pour retenir les sept nains, il faut une phrase. À jouer presque seul, tu deviens grincheux. Okay. Il y a quand même le nom du nain à la même dans ta phrase. C'est plus facile de se rappeler de cette nain que de la ça phrase. C'est le dernier. Ouais. Ouais, Achoum joyeux, prof simplet, timide, dormeur grincheux, ça donne à jouer presque seul, tu y deviens grincheux. Okay. Et t'as pas les rois mages? Hommage. Non, j'ai pas les rois mages malheureusement, mais je vous invite et je t'invite Jocelyn à créer vos propres. Oui, ça donne envie. Techniques. Bah, c'est ça. Hein, qu'est-ce que je fais cet après-midi? Bah oui, mais fais-toi un petit atelier phrase mémotechnique. Oui. Voilà. Pour occuper les clients, pour occuper les enfants. Pour occuper ça, mais vous vous ennuyez, mais faites des mémotechniques. Bien sûr. Je sais pas. Voilà. Merci. Mais... Merci pour cette chronique. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Oh, je change de jingle quand même des fois. Je vais prendre celui-là. Ah. La matinale des 18h. L'invité show business de 18h. Oui, c'est encore le. Mais c'est pas le même que l'autre, c'est pas la même voix en fait. Non. Vous avez saisi cette petite subtilité. Oui, bah, alors, trois jingles d'affilée, pile au moment où on disait quelque chose d'extrêmement intéressant pour élever les consciences avec James. On c'est a bien vrai. Compris. C'était quoi ce coup-ci voilà. Bah, j'étais en train de dire que tout simplement. Voilà. En fait, ouais, normalement, il était ça avait un rapport avec la recette de la paix dans le monde. La recette, voilà. La recette qu'on cherche encore toujours. Plus d'ailleurs. Simple que ce qu'on dit, j'allais dire Poutine, mon Dieu, Trump. Allez, un petit quiz actu sur l'actualité de la semaine qui est riche et fournie. Oui. On part en. Alors, je sais jamais, le prix Nobel de médecine, c'est en Suède ou c'est à Oslo? Non, c'est la paix, c'est à Oslo. Mais le reste, c'est en Suède. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça. Non, parce qu'il y a une histoire quand même derrière ça. On confond tout le temps, ouais. Non, mais parce qu'à l'époque, ça ne faisait qu'un seul et même pays. Et puis en 1900, la Norvège a pris son indépendance et ils ont pris la paix. Et ils ont laissé le reste à la Suède. Il y a aussi l'histoire que le Nobel, Monsieur Alfred Nobel, il n'a pas mis de prix Nobel de mathématiques parce que sa femme, je crois, était partie avec un mathématicien. Mais ou non. Un truc comme ça, je crois. Faut vérifier les infos qu'on dit mais à l'antenne quand même. Ouais, mais maintenant, il y en a un, en tout cas, hein, de mathématiques. Hein. Bon, on va s'arrêter sur le Nobel de la médecine 2025, parce qu'il y a eu un des lauréats qui s'appelle Fred Ramsdell, qui a eu, entre autres, hein, ils sont plusieurs à avoir eu le prix Nobel de médecine, j'ai dit. Ils ont essayé de le joindre, mais ils n'ont pas réussi. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah, bah parce que le gars, il était dans un igloo. Alors non, c'était pas un igloo. Est-ce qu'il avait... était encore vivant? Ah oui, il est vivant, il est vivant. Je pense que là, aujourd'hui, ils ont dû le joindre. Il a un forfait épuisé? Non. Non, mais effectivement, c'est pour des raisons techniques qu'il n'a pas pu être joint. Il est sourd? Ah non, ah, ça aurait pu être une bonne raison. C'est vraiment beaucoup plus chill comme, tunnel. Comme raison. Non, c'est beaucoup plus... Qu'est-ce qui fait qu'on ne répond pas? Ah, ouais. Il l'avait éteint, quoi. Il a éteint son tel. Ça passait pas là où il était. Il était dans un bunker, donc non. Non, il était pas dans un bunker. Il était dans une forêt. Ouais. Forêt équatoriale, non? Non, pas équatoriale. En train de faire des recherches. Dans forêt de haies. Allez, je vais vous le donner. Il était en train de randonner. Ah, oh, bah putain. Mais là où ça passe, donc il s'attendait pas du tout. Enfin, on sait pas parce que à l'heure où l'article est sorti, c'est un article de 20 minutes, je crois. Ouais, 20 minutes. On s'attendait. On se dit qu'il s'attend pas du tout à avoir le prix Nobel, donc le mec est parti dans l'Idaho faire de la randonnée pendant plusieurs jours, et puis ben, pas du tout joignable, donc j'imagine qu'il a, il a dû recevoir à un moment donné, il a dû avoir du réseau, mais notifié, c'est quoi. Assez surprenant, tu sais, tu fais une belle randonnée, et puis t'écoutes ton téléphone, et puis un message... Vous êtes les prix Nobel de mathématiques. Voilà, ça doit faire drôle. Voilà, c'était la petite boutade venue de Suède, bien évidemment. Ah, les Suédois. On passe totalement à autre chose, parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok ce matin de Courrier International, et il y a un phénomène chez les jeunes en Allemagne qui se développe en Allemagne et qui, là, maintenant, atteint les États-Unis. Et donc, si ça atteint les États-Unis, forcément, ça va atteindre le monde entier. Mmh. Ça s'est passé à Karlsruhe, ça s'est passé à Stuttgart, à Berlin, enfin, dans toutes les grandes villes. Mmh. Est-ce que vous savez c'est quoi qui se passe avec ces jeunes? Allemands. Je vais vous mettre sur une piste. Ouais, un phénomène social, alors. Enfin... Une manifestation. Une manifestation. Voilà, ils se retrouvent tous dans un parc. Et ils jettent leur téléphone. Pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose, voilà. Okay. Et c'est vraiment surprenant. Qu'est-ce qu'ils font? Ça porte un nom en allemand, mais je ne vais pas vous le dire, parce que pour peu que vous parliez allemand, et ça peut vraiment trahir. On l'a vu la dernière fois, hein, le 7 en allemand, voilà. On en garde beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas vous dire, mais après, je donnerai le nom et vous taperez. Et là, aux États-Unis, ça atteint les réseaux sociaux, et le 12 octobre, donc c'est ce week-end, c'est dimanche, ils ont tous lieu à Central Park, c'est bien ça, à New York, les jeunes de là-bas, pour faire la même chose que font les Allemands. Ça nécessite un parc de le faire? Oui. Ça nécessite de la place, j'imagine. Mais c'est quelque chose que tu peux faire chez toi, tout seul. Ils méditent. Voilà. D'accord. Et il y a un petit côté drôle. Il y a un petit côté drôle. Voilà, hein. Et les Allemands s'en amusent en disant « nous aussi, on a de l'humour hein. ». Voilà. Bien sûr. Ils font du yoga du rire. Ils font pas de yoga. Est-ce que ça nécessite une position physique particulière? Non, ça nécessite deux choses. Ah. Qu'on tient dans chaque main. D'accord. Une chose dans chaque main. Une chose dans chaque main. Mais c'est un côté militant ou pas du tout? Pas du tout. Pas alors du là, tout. C'est vraiment un truc qui sort de nulle part. Tu te dis, si toi tu me voyais le faire, tu dirais, mais pourquoi tu fais ça? C'est des maracas. Et c'est tout, quoi. Il y a beaucoup tu vois de choses, hein, c'est vous des maracas. C'est pas des maracas. Ouais, c'est de là, il y a un côté artistique ou pas du tout? Pas du tout. Environnemental? Je vais vous dire, ça se mange. Ça se mange. Il y a une action de manger. Une action de manger. Je vous aide pas mal hein, parce qu'on vient de loin. Ouais. Une action on de fait manger. Manger plus autre chose? Non. C'est mais la manière juste... de manger quelque chose qui est, tu dis, oh, bah, ça se mange pas comme ça d'habitude. D'accord. Donc ils jonglent. Et donc ils jouent là-dessus sur le fait que, ah bah oui, je sais, ça se mange pas comme ça d'habitude. Et on va tous se donner rendez-vous dans un parc c'est manger pour une manger pizza comme ça. Manger une pizza. C'est pas une pizza. Dans la main. C'est vrai que si vous trouvez qu'est-ce qu'on mange. Un burger. C'est un fruit. Ça se tient dans la main. Ça se tient comme ça. T'as utilisé les deux mains. Oui, là, oui, alors, mais déjà, les auditeurs ne peuvent pas voir. Le contenant de ce qu'ils mangent, ça se tient dans une main fermée. Hein, voilà. Une pomme. Et vous avez tout ça dans vos frigos. C'est un fruit ou pas? Ouh là, j'ai pas grand-chose. C'est pas un fruit. Oui. La mayonnaise, ils mangent de la mayonnaise. Non. Il y a d'autres choses. Hein. Non plus. Non, c'est pas un fruit. Ah d'accord. C'est pas un fruit. Est-ce qu'il y a un contenant en plastique ou carton autour? Oui, il y a un contenant en plastique autour. Un yaourt. Oui, un yaourt. Un yaourt. Effectivement. Ah, alors des flans, des yaourts. Alors non, mais vous avez déjà trouvé. Ça peut marcher avec un flan, ça peut marcher avec un yaourt, ça peut marcher avec tout ce que vous voulez. C'est le fait qui d'appuyer très fort. rayon laiterie hein, dans les supermarchés. Mais alors, la manière dont ils le mangent. Ils le gobent? Non, ils le gobent pas. Ils ont un truc dans l'autre main. La paille. Une paille. Non, c'est pas avec une paille. Une cuillère? C'est une fourchette? Oui, c'est le truc dingue. Justement, normalement, on se dit, c'est avec une cuillère. Mais là, ce qui est drôle... Avec une fourchette? Rire. Oui, oh, oui. Une fourchette, oui, c'est juste ça? C'est juste ça. Pour manger son yaourt avec une fourchette. Moi, c'est le genre de truc qui me déprime d'entendre ça. Ouais. Oh là là. C'est planétaire, et alors, quoi. Et alors, tu vois des images des parcs comment à Karlsruhe. Alors, je vais dire après comment ça s'appelle. Et c'est rempli de jeunes qui sont là. Hé, on mange notre yaourt avec une fourchette. Si on se donnait rendez-vous pour manger notre yaourt avec une fourchette dans un parc à telle heure, tel jour. Voilà. Et donc là, Central Park, si vous y êtes ce dimanche, parce que je crois que c'est le 12 dimanche, hein, et ben, il y a une réunion, ça s'appelle... Ils sont capables de se déplacer tous pudding ensemble. Pudding mit Gabel, en allemand. Pudding mit Gabel. Ouais, c'est la consternation qui règne en moi. Moi aussi, je suis un peu sidéré. Mais alors, consternation ou le fait que tu deviens vieux? Bah, est-ce que tu aurais pu le faire il y a 15 ans de je ça? Je pense pas. Bah, moi, je l'ai déjà fait plein de fois, en fait. Oui, non, mais bien sûr, ouais. Mais par nécessité. Dans un parc. Mais j'ai pas un besoin social de j'ai manger besoin... ma, voilà, mon, ma yaourt, mon yaourt. En fait, avec... de se filmer en train de faire ça, déjà, nous, c'est, voilà, c'est, un, ouais. On, c'est encore bizarre. Et puis de le faire à plusieurs, de donner rendez-vous pour faire de ça. De se donner rendez-vous, c'est une folie. Allez au théâtre, vous êtes capable de vous donner rendez-vous, faites des trucs. Mais les jeunes ne vont plus au théâtre, malheureusement. Non, mais sinon, juste discuter, quoi. Et tu verras qu'en France, ça va arriver. Alors, on l'appellera pudding avec fourchette. Parce que ça veut dire qu'il faut absolument se lancer dans la fourchette. Gabel, ouais. Gabel. Comment t'as dit quoi? Faut se lancer dans la fourchette là dès maintenant là. Ah ouais, faut créer des fourchettes faut en forme de cuillère. Faut investir en profite pour mettre en avant des fourchettes éco-responsables. Bien sûr, bien dès sûr. La semaine prochaine, on aura les fourchettes la matinale de 18h. On viendra avec nos yaourts, d'accord là. Voilà. Et alors qu'on va prendre en main ce phénomène en fait. On va pas se laisser dépasser. On va faire. Nous aussi, on est jeunes. Ouais. Ouais, pudding avec les doigts. On va faire ça. Ah ouais, la variante des yeux. Genre, on mange notre yaourt avec une fourchette dans le parc en écoutant la matinale de 18h. Ouais. Et nous, on va manger la fourchette. Ouais. Et deux semaines après, sur ABC, qu'est-ce qu'ils font? La même chose que Fadjet. Voilà. Bram, c'est tout pour moi. Yes. Ouais. On va rester sur ta consternation pour avoir une autre consternation. Ouais. C'est arrivé cette semaine. C'est un vote. C'est une députée LR européenne qui a proposé un vote au Parlement. Qui est passé, mais ça demande encore... Enfin, c'est passé le vote, mais pour que ça soit mis en application, il faut encore l'accord des 27 pays. Mmh. Est-ce que vous savez ce qu'elle a voulu faire passer comme décret, comme loi au niveau du Parlement européen? C'est pour les immigrés? Ça concerne... Ah, j'aurais dû commencer l'inverse, mais c'est on pas grave. On était tellement préoccupés par quand même tout ce qui se passe en France là, depuis lundi, quand même rigolo. Mais ça concerne les steaks. Ils n'ont plus le droit d'appeler des steaks végétales steaks, ni les saucisses. C'est ça, ni le jambon. Oui. Ah, mais ça, voilà. Ça fait, ils se battent depuis 1000 ans sur ça. C'est oui, encore, mais là, il y a quand même des vieux. On peut plus utiliser le mot steak. Un débat de vieux, hein, quand même. Ah oui, des vieux cons. Qui ne veulent pas qu'on appelle steak un steak végétal, ou jambon un jambon végétal, ou saucisse une saucisse végétale. Oui. Et même Merz, qui est le chancelier allemand, a dit « Non, une saucisse, c'est une saucisse. Mm-hmm. » Voilà, c'est là où tu te dis « Waouh !» Et rencontrer les jeunes. Il y a de l'argent public qui a été des fait pour... Voilà. Et juste mais après, cette consternation que nous avons, nous, vis-à-vis de ça, parce qu'on a envie de se dire, évidemment, qu'est-ce qu'on s'en fout de comment ça s'appelle, en quoi ça vous dérange, c'est un peu la même qu'on vient d'avoir pour les yaourts avec les jeunes, peut-être. Qu'est-ce qu'on s'en non, fout de on la va raison pas pour laquelle ils se retrouvent. On va rester dans la fourchette. C'est bien. Ce qu'ils veulent, effectivement. On a tendance à plaquer nos jugements de valeur. C'est différent parce qu'il y a une volonté de... C'est juste une question d'où tu mets le curseur. Ça devient très sérieux ce que je dis. Oui. Mais en fait, genre, si tu veux, je comprends aussi la volonté de protéger le consommateur. C'est-à-dire que peut-être que des gens se font avoir en voyant steak, alors que ça n'est pas la même chose qu'un vrai steak, tu vois. Dites-le dans les commentaires. Il faut qu'on comprenne c'est quoi les arguments. Ce que vous en pensez. Ah, voilà. J'arrête avec la consternation. Oh, quoi que, mais non, c'était très bien, ça élève un peu le débat. Attention avant de juger trop vite, renseignons-nous. Quel âge? Allons voir un peu les deux camps. Quel âge? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Suis-je un vieux con ou une vieille conne? Je sais pas. Y a-t-il eu le virage? Je vais revenir sur ton éphéméride, mais alors tu ne pouvais pas l'inventer parce que ce n'était pas aujourd'hui. Mais qui a eu 73 ans cette semaine? Ça, c'était pas aujourd'hui, je pouvais pas l'inventer. Non, parce que c'était pas aujourd'hui. Il y a vraiment des tas de gens qui ont eu 73 ans aujourd'hui. Oui, on leur souhaite un joyeux anniversaire d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va dire que c'est un peu exceptionnel dans le sens où la moyenne dans son pays c'est 66 ans et il a eu 73 ans. Il y a un pays où la moyenne d'âge c'est 66 ans. Oui. Enfin, la moyenne d'âge de mort, quoi. Ouais, effectivement. Ah, c'est un Esquimau. Oh, comment tu peux traiter ce monsieur d'Esquimau? Il le prendrait sûrement très mal. Un pays où on vit en général pas au-delà de 70. Après, on se barre. Ouais, c'est ça. Les hommes meurent avant. C'est pour ça que j'ai proposé les Esquimaux. Oui. Non, ouais, mais non. Non, mais c'est un peu plus bas que les Esquimaux. Ça peut être l'inverse, dans le désert, hein, quelqu'un qui vit dans le désert. Ah ouais, non, chaud, non. Mais c'est un chef d'État dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure dans tes mnémotechniques. Russe? Un chef d'État russe. Oui. Medvedev? Poutine, non, Poutine, bien sûr. Poutine, qui a eu 73 ans. C'est 66 ans, la moyenne d'âge de mort. C'est 66 ans, t'imagines. Bah, c'est hyper jeune, ouais. Et en fait, c'est un article de BFM que j'ai lu. Et on apprend plein de choses sur la démographie en Russie. Donc, pourquoi on meurt aussi jeune en Russie? L'alcool. Les facteurs. On se lasse. L'alcool. Ah. La vodka. Et en fait, ce que dit cet article, c'est que... quand Gorbatchev était président de, enfin pas président mais responsable du parti à l'époque, ils avaient fait une campagne contre l'alcool, la vodka, puisque c'est la vodka, et à ce moment-là, ils avaient regagné 3 ans et demi d'espérance c'est de vie. C'est énorme, trois ans et demi. En une campagne. Voilà, une campagne. Sauf que maintenant, ils ont arrêté ça, et puis bah, Poutine promet de l'alcool, etc., à foison pour que garder la mainmise. Voilà. Oui. Donc ça, plus la guerre qui tue énormément de jeunes, l'espérance de vie n'a jamais été aussi bas. Et est-ce que vous savez l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes, le nombre d'années d'espérance de vie? Je sais qu'il y a, plus de, est-ce que les femmes boivent plus 10 millions de femmes en plus par rapport au nombre d'hommes. Alors il y a 54% effectivement de femmes en Russie. Parce que justement, les hommes... Et alors oui, c'est 10 millions de plus. C'est, une... c'est le pays qui a le plus de femmes avec enfants. Femmes seules, quoi. Femmes comme les enfants. Femmes seules avec enfants dans le monde. C'est, je ne sais plus si c'est 40 ou 50%. Voilà, c'est ça. Elle serait 5 millions, soit 40% des foyers avec enfants en Russie, les femmes seules. Parce que justement, les hommes... 40% des foyers. Oui, c'est des femmes seules. Mais les chiffres sont hallucinants sur, ça fait peur, sur la Russie. Pays. Donc oui, je vous demandais l'écart entre hommes et femmes. Est-ce que vous avez une idée? D'âge. Bah, on comprend que du coup, elles vivent beaucoup plus. C'est plus que 6 ans. Bah, ça va être 10 ans. 6 ans et demi. C'est 8 ans. C'est 8 ans d'écart. C'est... Donc c'est vraiment énorme. L'âge de raison, 7 ans. Là-dessus, ouais, mais je vous conseille cet article. Ouais, tapez, c'est intéressant ça. Carrément. Vous tapez l'anniversaire de Poutine et vous allez sur. Voilà, il fête ses 73 ans et rêve d'atteindre. Ah oui! Et il rêve d'atteindre 150 ans. Poutine, il aurait eu. Honnêtement, il a l'air en forme. Hein. Enfin, non, je crois pas. Hein, il a pas l'air. Si on est sur ce critère-là uniquement, je suis d'accord. Je ne sais pas s'il est en forme là-dessus, mais bon, oui, il aurait eu cette discussion-là. C'est une bonne nouvelle pour le monde. Il aurait eu cette discussion-là avec Xi Jinping que lui, son souhait, c'est d'arriver. Et puisque Xi Jinping, lui, a déjà 120 ans. On ne s'en rend pas compte non plus. Hein, non, il se porte bien. Ah, c'est vrai. Mais tu te dis que il ne fait pas bon gouverner un pays quand tu as plus de 70 ans, en fait. Quand tu regardes tous ceux qui ont plus de 70 ans. Parfois, quand on n'a pas la cinquantaine, il fait pas bon de gouverner un pays non plus. Oui, on parle vraiment de dictateur. Ça doit être un des métiers qui fait le plus vieillir au monde, quand même. Oui. Peut-être. Président. Ouais. C'est pour ça que moi, je dissuade toute personne autour de moi de le devenir. Oui, c'est vrai. Même moi. On connaît des gens autour de nous. Non, mais Tristan, tu crois voilà. Pour être président. Exactement, oui. Mais Tristan, je te le dis. Le déconseille. C'est une mauvaise idée. Oui. Parce que vous devez le savoir, les auditeurs, mais Tristan a commencé sa campagne Tristan Mangeau 2027. Mmh. Ouais, bah oui. Il a commencé les affiches et tout. Je lui ai dit. Sur lesquelles il y a un pâté lorrain végé avec un steak végé. C'est ça. Ça s'appelle plus steak. Voilà, déjà, il doit refaire les affiches. Vrai. Donc, moi, je pense que c'est une mauvaise idée, Tristan. Tu vas perdre beaucoup de santé, tu vas te faire des ennemis. Et des cheveux blancs. Ouais, bon. Bon, alors, je pars en Angleterre, alors. Parce que... ok. En Angleterre. Le titre de France Info, elle s'immisce dans les maisons, les armoires, les draps. Ils sont dans nos villages L'Angleterre aussi. L'Angleterre fait face à une invasion c'est des rats, de quoi? C'est pas des rats? Des araignées? Non. Non plus. Les mites? Non plus. Des blattes? Non plus. Les punaises? Oui. Non plus. Les petits savons qu'on met pour que ça sente meilleur? Et oui, à la lavande. Ça aurait été mignon. Des petits savons qui volent en drone comme ça et qui s'abattent sur les maisons. Des perturbateurs endocriniens qui viennent eux-mêmes. Oh, on arrive! Alors, c'est marrant parce que tout ce que vous avez cité, c'est des animaux ou des insectes qui sont cacaboudins. Nuisibles. Blattes, araignées, on aime c'est quelque chose de très mimi, des lapins. Et là, c'est très mimi. De lapins. Oui, il y a une invasion de lapins. Les gens, donc ils mettent des attrape-lapins partout. Les lapins, ils sont explosés. C'est un carnage lapinois. Parce qu'on n'en peut plus. Alors, ce sont des animaux, ça craint rien, ça craint rien. Voilà, pour nous, ça craint rien. Il y a même eu un match de cricket qui a été suspendu pendant quelques minutes. Ah, des écureuils. À cause d'une invasion. Non. Est-ce mais que c'est gentil, des écureuils. Enfin, oui. On aime bien les écureuils. Est-ce que c'est pas vraiment des crickets? Ouais, mais non. Oh, mais ouais, j'adore des l'idée. Des hérissons? Non plus. Alors, c'est tout petit. On mais attends, était sur mais des insectes. Répète les endroits où on les voit. En Angleterre. C'est en anglais. Ah oui, oui, non, mais alors, pardon. Oui, pardon. Mais tu dis que c'est pas dangereux, donc en fait, c'est pas un problème. Vidéos. C'est juste que c'est un fait. Il y a une invasion de ouais, ça, mais c'est pas un problème. C'est un peu casse-bonbon d'avoir ça chez soi. Plein, les papillons. Non, c'est encore plus petit. Elles s'immiscent dans les maisons, c'est les armoires, les papillons. Dans les draps, les armoires, les draps. Abeilles. C'est ça. Non, c'est encore plus petit. Dans les draps. Mais c'est mignon, hein. Des plus petits et mignons. Des mouches. Allez, je vais vous aider. On adore quand ça se pose sur coccinelle, la main. Coccinelle. Oui. Ah, bien sûr. Ah, ouais, moi, je trouve c'est... Oui. C'est vite non, chiant pas quand les même. Faut s'imaginer avec 50 coccinelles dans le lit, tu vois. Ouais, oui, ça pue bon. Et tout. Ah, non, c'est bon. Hein. Bah, c'est. Ouais, alors il y a des vidéos hein, où effectivement il y a énormément de coccinelles. Alors j'ai pas vu la vidéo de ce match de cricket qui a été interrompu, mais j'imagine qu'il devait y avoir une masse rouge. Nuée. Ah, après, ça dépend ce qu'elles font, toi, si elles écrivent des allez les gars, toi, avec leur ah, corps. Ah ouais, si elles sont pop girl, si, là, un peu. Peut-être que si elles écrivent allez les gars. Apparemment, elles sont capables de se conglomérer en une géante coccinelle, et là attention, ça peut faire voilà, ça fait un monstre énorme. C'est vrai qu'il paraît qu'elles sont capables de faire ça. J'avais entendu parler de cette histoire. Il y en a une qui dit en formation et elle se met en formation coccinelle. Non, mais le monstre. Non, c'est très très grave. Peut-être c'est que très... ça va faire l'objet d'un film de Marvel. Les coccinelles attaquent. Come back. Ouais, come back. Ouais, c'est... En fait, je pense qu'on est trop attendri par le souvenir d'enfance des coccinelles, alors que ça reste des petits insectes qui vont partout, quoi. Non, mais par contre, ça, parce que moi qui ai des enfants encore en bas âge, toutes les histoires sont avec des animaux. Oui. Donc ça vient très, très vite dans ta vie. Mais dès le départ, il y a quand même y a les bons et les mauvais, quoi. Voilà. Les sympas et les moins bons. Mm-hmm. Le pauvre loup. Qui est quand même ultra sympa et totalement décrié à cause des contes. Donc, voilà, les récits collectifs influencent énormément sur notre manière de voir le monde. Le requin, avec les temps de la mer. Par exemple. C'est vrai que... Vous savez qu'à cause de ça, vraiment, ça a complètement perturbé la biosphère, la sortie des dents de la mer. À cause de Spielberg. Ouais, il y a vraiment eu des tracts de requins juste après la sortie du premier dents de la mer. Quoi. J'imagine. Il a complètement perturbé. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Mais... Merci pour... Du coup, j'ai attendu que tu aies fini la phrase pour... Mais oui, j'ai apprécié. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Allez, un petit jeu pour clôturer cette émission, parce qu'on arrive gentiment vers la fin. Et un petit jeu où t'étais pas là, toi, Caro, hein, la dernière fois. Non, Caro, t'es pas là. La dernière fois, non, peut-être non, pas, mais la fois d'avant, c'est si. La dernière fois que j'ai mis en avec place avec le pétrichor. Voilà, le pétrichor. Est-ce que tu sais ce que c'est que le pétrichor? Le pétrichor, alors, non. Est-ce que on doit faire des voix de gens? Ou c'est non. C'est un autre jeu. Non, là, c'est vraiment... Je comprends pas le titre, mais ok. J'ai fait chercher des mots, enfin, c'est Google qui était chercher des mots. D'accord. Français, ouais. Mais qu'on n'utilise jamais. Oh. Et c'est retrouver la signification. La définition, quoi. Alors, c'est pétrichor ou pétrichor? Pétrichor. Et alors, c'est l'odeur du sol après la pluie. D'accord. Tu vois, voilà, le pétrichor. Sur la terre. Ouais, voilà. C'est ça. Oh. Sans pétrichor. J'adore le pétrichor en plus. Je ne sais pas comment vous positionnez comment par rapport au pétrichor. Je viens d'apprendre ce mot. Full neutre. Ah, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi. Consternation, ouais. Non James, non, justement. Non, de la neutralité pure. Suisse. Je le tolère. Il a des moments où il n'a pas d'émotion. Ouais. Exactement, voilà. Sans pétrichor. Et alors, on va attaquer avec une petite série de mots où je vais vous demander. Et je vais en sortir un. Pas piquer des hannetons, rien à voir avec... T'aimes beaucoup cette expression. Ouais, j'adore cette expression. Que signifie péripatéticien? Prostituée. Non. Tu peux redire? Péripatéticien. Oui, parce que péripatéticien, je ne sais pas s'il y en a une faute, mais la définition de péripatéticien. Et ça, c'est... Alors après, est-ce que ça nous a amené sur la péripatéticienne? Voilà. Est-ce que c'est médical? Pardon. Oui, vas-y. C'est pas médical. D'accord. C'est un rapport avec les trottoirs? Alors, quelque part, oui. Quelque part, oui, mais même si à l'époque, parce que ça date de Aristote, hein. quelque part, il y en avait peut-être pas des... Oui, je ne sais pas s'il y avait la DDE ou d'évacuation d'eau à l'époque. Le trottoir est inventé par Jean-Michel Trottoir. Oui, c'est ça. Ah, bah, oui, Jean-Michel Trottoir n'est pas grec de la Grèce antique, hein, je crois pas. Il était slovaque, étonnamment. Oui. Ah oui, d'accord. Étonnamment, trottoir. Il faisait le Slav Squat. Oui. Donc, il y a quelque part un lien avec ce côté-là de rue. D'accord. Et je pense que c'est pour ça que derrière... là, si je prends la définition de péripatéticienne, c'est prostituée qui racole dans la rue. Mmh. Et mais avant, il y a eu un homme panneau. C'est le mec qui disait, il va racoler, mais pourquoi? Pour faire venir les gens, pour faire quelque chose? Oui. C'est ça? Dans, leur dans sa boutique, non? Enfin, faire venir. Il fait quelque chose en marchant. Mais quoi? Il prêche. Il tourne sur lui-même? Il prêche, on n'est vraiment pas loin. Ah, c'est pas loin. Comme les camions de clowns. Devenez voilà, chrétien. Mais c'est pas, il cherche pas à convertir, mais on y est quasiment. Il leur dit d'aller au temple. Il enseigne. C'est de l'enseignement en marchant dans la rue. C'est pas forcément la rue quoi, hein, mais c'est la rue la vraie. Voilà, c'est le d'enseigner tout en marchant quoi. Ça me fait penser que effectivement nous on apprend à apprendre assis. On est assis à l'école. Mm-hmm. Et si ça marchait mieux en marchant en fait. Il y en a qui font ça. les écoles dehors par exemple. Les écoles marchantes. Les écoles buissonnières. Ouais. Entre autres, ils enseignent tout en marchant dans la forêt quoi. Okay. Une activité physique en plus. Tu dois pour apprendre à compter, aller ça chercher des trucs dans la forêt, tout ça. C'est pas mal, ça. Bah, soit ministre de l'Éducation et achète des tapis roulants. Hein. Mais oui. Mais imagine carrément. Regarde, tu vieilliras vite. Voilà comment on gère le budget de l'éducation nationale. C'est ça. Investissant dans les bonnes choses. Tellement de thunes, on va acheter des tapis roulants. Je cherche, attends, je réécris le alors, le mot abominer. Qui n'a pas d'abord. Abominer ou abominer? Abominer. Abominer. Abominer. Donc, aucun rapport avec abominable. Aucun rapport avec homme des neiges. C'est quand, en fait, abominer, c'est quand... C'est marrant parce que moi je te coupe parce que c'était vraiment pas, de pas bien du tout. Non mais je suis en train dire. De tilter là. La Google me l'écrit avec un H juste après le B et quand je demande à Google l'autre, il me l'écrit sans H. Mais vas-y, excuse-moi, j'arrête de te couper la parole. Ah, ça tombe mal, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, jingle pour moi. Abominer, ça veut dire donner un argument, comme on dit, un argument abominem, donc qui touche directement la personne. Ah ouais, un peu les tosses de la personne, quoi. On voit pas à la radio, mais tu t'assumes pas du tout ce que tu dis, en fait. C'est ça qui est rigolo. Non, mais on n'est pas. Quelque part, abominable nous met sur la voie. Okay. Bah, c'est quand même très proche, le mot. Ouais. Mais, bah, quelque chose qui n'a pas d'apparence humaine. Il n'est pas nominable. Non. C'est abominable. Quelque chose qui est abominable, je pense que ça peut avoir une apparence humaine. Ça fait peur. Mais pour autant, moche. Ouais. Ça crée une émotion. Et donc, ça provoque le dégoût. Ouais, on tourne autour du pot, donc c'est le fait de quoi? De vomir. De se réveiller à l'hôpital. De se réveiller à l'hôpital. Vomir, je comprends. Bah oui, au bout d'un moment. C'est le fait d'avoir en horreur. Oui. Ah bah oui, la j'abomine les hypocrites, par exemple. Ouais. J'abomine la violence. Avoir en horreur. D'accord, c'est pas... Ok. Alors le mec... T'es alors, déçu, essaye, t'es ouais, déçu de la réponse. Tu le savais, c'est ça. Un truc plus... Non, mais je m'attendais à ce que ça ait un sens complètement différent, mais c'est bon... Mais voilà, oui, mais... Ça va être un peu déçu, quoi. Je connais votre niveau. Et je me suis dit, bon, je vais pas aller chercher... Alors, tu veux du truc? Ok, la xénophilie. Voilà. Xénophilie. La xénophilie. C'est tout simplement d'aimer les étrangers. Quelque chose qu'on aime, ouais. D'aimer les aliens. Ah, d'aimer oui. Les aliens. Bah, les extraterrestres, quoi. Oui, merci, oui. Attends, c'est l'autre, c'est le différent, quoi. C'est xéno. Ouais. Et Philly, le fait d'aimer, donc oui, ça se tient. Comment t'écris xéno? Alors, aimer la différence. Je retrouve ma page en même temps, parce que... Xénophobe, on est d'accord. Plus. Voilà. Xénophile. Attends, parce que je l'ai... Mais il m'a proposé un mot qui n'existe pas. Ah. Xénophilie. Alors, non. Xénolatrie. Ah, les gens qui aiment bien les gens aux toilettes. Alors, il y a, les étrangers y a aux le toilettes. Fait de bien aimer. Voilà, bah, c'est ça. De bien aimer les extraterrestres. Non, c'est pas... S'il te plaît, je te dis que c'est ça. Pas forcément les aliens. Ça, mais on n'est pas loin avec le fait d'aimer, c'est plus que aimer, en fait. Latrie, là, dans ce cas, latrie, ça veut dire aimer. C'est comme idolâtrer, à mon avis, c'est de c'est comment, vénérer. C'est l'admiration c'est pas excessive les toilettes. Et passionnée. Mais xéno, on est bien d'accord que du coup, voilà. C'est... Oui. C'est les gens. C'est des... Oui. Des variétés de gens. Voilà. Non, pour moi, différent. C'est pour ça. Est-ce que c'est des gens? Pour moi, c'est hors d'eux. Voilà, différent au sens étranger, mais c'est pour ça on dit aussi les xénomes, le alien, le film Alien. Ouais. La race de l'alien, c'est les xénomorphes. Donc. Et donc. Voilà. Donc c'est. Donc c'est l'admiration de l'extraterrestre. C'est la troisième fois que c'est proposé. Ok, d'accord. Très bien. Et c'est pas ça. Non, mais c'est le fait d'aimer en exagération, en fait. Mais de quoi? Voilà. le principe gêné de manière excessive. Voilà, c'est d'accord. Ça. Xénolatrie, quoi. Ça dépasse toute mesure, en d'accord, fait. D'accord, d'accord. Tu xénolates de trop. On n'a pas compris qu'on avait la réponse, en fait. C'est pour ça que tu étais sur l'aspect latrie, tout court. Ah, ouais, latrine, moi je me suis dit, c'est oui, c'est oui moi aussi, j'allais aborder le sujet, mais non, voilà, non, oui. Donc il y a idolâtrie, et encore au-dessus, il y a xénolatrie. Ok. C'est ça, voilà, tout à fait. Vous savez que je vous xénolâtre un petit peu. Ah, stop la xénolâtrie, là. Il n'y a pas... Il y a too much de xénolâtrie. Non, quand il y a trop xéno. C'est over xénolâtrie, ça va. Over xénolâtrie. Nosologie. Ah, ça calme tout le monde, hein. Nosologie. Comment tu l'écris? C'est dans le nez, quoi. S-O-L-O-G-I-E. C'est le fait de pratiquer le métier de nez. Alors, c'est le fait de pratiquer de quelque chose. C'est... Enfin, non, c'est... Ouais, si, oui, mais ça n'a rien à voir avec le nez. Ah oui? Ouais, nos ouais. Os, moi aussi, moi, j'aurais été sur le nez, tu vois, ou les, sur les os. Nos os, quelque chose de nos os. Nos quoi. Ça se dit, non? Ouais, non, mais c'est... Alors, c'est de la médecine, hein. C'est de la médecine. Voilà, mais Est-ce que ça a rapport avec le sommeil? Alors, non, mais c'est, très c'est très administratif, en fait. La nosolatrie. Voilà. Quoi? Ça oui, répète le mot, s'il te plaît. Nosologie. Nosologie. Est-ce que c'est l'analyse de l'écriture des ordonnances? Non. Wow. Mais c'est par rapport à toutes les maladies qu'il y a. C'est l'archivage, la classification. Ah, oui. C'est ça? Ouais, c'est la classification. Nosologie, on a mis sur la piste. C'est la médecine qui étudie les critères qui servent à définir les maladies afin d'établir une classification. Oh là là, je suis nosologue. Ah ouais, et on peut être nosologue de métier. Il y a des formations de nosologue. De xénolatrie. How to be nosologue. un petit dernier pour la route. Nosologue. Aplologie. Ah. Et non pas apologie. L'aplologie, le fait d'applaudir quand c'est logique d'applaudir. Ouais, ouais, non, mais c'est parce que je fais exprès de bien articuler. Alors, c'est avec un H, hein, H-A-P-L-O, en même temps, je l'écris, tiens. Oui. Aplologie. Et on te regarde tous, là. James. Pourquoi je ne sais pas. Toi qui connais un peu la racine. Non, bah non, malheureusement, mes cours de latin remontent. Applause. Non, mais c'est avec un H, aplo. Ah, oui, c'est ça, H-A-P-L-O, hein, il a dit. Aplo, c'est cirque, c'est circassien, ça, non? Alors, c'est vraiment dans la grammaire, mais quand je lis la définition, je ne comprends même pas. C'est un terme grammatical. Est-ce que vous savez quoi? Tu pourrais nous faire un exemple de phrase dans lequel on pourrait utiliser? Je vais vous donner la définition, parce que moi, je ne l'ai pas comprise. Okay. Et on va essayer de comprendre la définition ensemble. Ça, c'est ma spécialité. La plologie, oui. C'est la suppression d'une syllabe quand elle était initialement répétée dans un mot ou dans un des mots à côté. Exemple. À coller. Je vous la refais. Oui, suppression d'une syllabe quand elle était initialement répétée dans un même mot ou dans des mots à coller. Eh ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un exemple. Ouais, ou je. C'est-à-dire. Ouais. Parce qu'en fait, au jour. D'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ouais. Bah non. Non. Alors. Les gens font de attends, la plogie. J'ai demandé des exemples, mais allez-y, cherchez. Parce que j'en ça cherche, me... pas, je cherche. Je suis. De toute façon, cette syllabe-là est dans le mot juste après, donc on va pas s'emmerder à le dire c'est deux ça, fois. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais. Et alors, il le transpose aussi en grammaire, donc c'est ça qui. Je pense qu'on va rester là-dessus. C'est dommage, aplologie. Donc je redis un exemple d'aplologie dans le cas des segments non identiques, mais seulement semblables. Et la suppression du pronom personnel atone, complément d'objet. C'est rien à voir avec l'aplolatrie. Et alors, il y a même un site qui s'appelle La magie de l'aplologie. Quel est le point commun entre les mots suivants? Clermont-Ferrand, tragicomique et contrôle. À première vue, aucun. Le premier est un nom propre, le deuxième un adjectif et le troisième un nom commun. Il est question d'une ville du centre de la France, généralement théâtrale. Ok. Ouais, enfin voilà. Donc, Clermont-Ferrand, c'est de l'aplologie. Tragicomique. T'as tragique et comique, et on a fait tragicomique. Donc, t'as fait l'élision d'une ville. Clermont-Ferrand, c'est clairement Maréchal Ferrand. Quoi? Mais on a enlevé le maréchal. Parce qu'il y avait déjà le M. Non, c'est la ville de Clermont et la ville de Montferrand. Tout ça pour dire qu'on est très nuls. C'est ça. Ça doit être ça. C'est quoi, James? C'est normalement, c'était Clermont-Montferrand. Ils ont dit Clermont-Ferrand. Clermont-Montferrand. Oui, voilà, Montmont, c'est ça. Je sais pas. Hein. Je pense que voilà, c'est ça. Donc, c'est de l'aplologie. C'est vraiment. On a découvert pas ensemble. Des masses, parce que... des masses d'exemples comme ça qui nous viennent. Il y a probablement. Il faut aller sur l'IA là. C'est probablement ment, normalement. Ok, trop drôle. Oh. Ouais. Ok, d'accord. Télévisionnaire au lieu de télévisionnaire avec. Ok, d'accord. Ah, peut-être. Tu sais, les gens qui okay. disent aimant au lieu de dire maman. Ah, bah oui, c'est de la plologie. Ouais. C'est de la plologie. Idéologie au lieu de idéologologie. Alors, je suis désolé, mais je balance le bête de fin. Ouais. Okay. Mais continue, hein. C'est déjà la fin de cette émission. Une dernière apologie pour nous quitter, Jocelyn. Oui, je te la donne tout de suite. Vas-y. Gentement au lieu de gentiment. Qui dit gentiment? Qui dit ça? C'est comme intimement au lieu de intimement. Voilà. Ben, on va rester là-dessus. Ah, merci tout à le moi. Monde pour cette émission. Oh, bah dis donc, on n'a plus que 5 secondes pour rendre l'antenne. Merci. À dans 15 jours, à bientôt et à la semaine prochaine pour la matinale. Pour la voisinade, bien évidemment, jeudi à 18h. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Bisous.